Patrick, bonjour. Vous êtes le chargé de communication du château de Saint-Fargeau. Effectivement, oui. Et du spectacle, bien entendu, en particulier. Ce spectacle, il existe depuis quand ? En fait, il a été créé en 1980 par Michel Guyot, qui cherchait, un spectacle qui attire beaucoup de monde pour faire la restauration du château, pour lever des fonds pour la restauration du château. Il avait d'abord pensé à des concerts, des choses comme ça, mais au niveau public, ce n'était pas suffisant. Et il a eu l'idée de ce spectacle historique qu'il a mis en place en 80. Quelle est l'histoire de ce château, en gros ? Il a été construit en... Alors, si vous voulez, les origines du château datent d'Héribert, donc au début du Moyen-Âge. Oui. Mais la grande partie que vous voyez actuellement est à la fois du 15e et du 17e. Mmh. Essentiellement, l'ancien château Moyen-Âge, oui. Le château fort, si vous voulez, qui était une forteresse, a été remanié complètement quand la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, est arrivée à Saint-Fargeau. Ah oui. Elle a complètement restauré le château et a donné son aspect classique et a posé ses lanternons en haut des tours qui lui donnent ce côté un petit peu élégant, féminin. La grande mademoiselle, cousine de Louis XIV. Cousine de Louis XIV, oui, parce qu'il l'a exilée ici pendant 5 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle s'était liguée contre lui au moment de la Fronde. Et il n'a pas apprécié que sa propre cousine se retourne contre lui. Donc la punition, ça a été l'exil à Saint-Fargeau pendant 5 ans. Alors elle avait le choix des châteaux, parmi tous les châteaux qu'elle possédait, parce que c'était la plus grande fortune d'Europe. Et elle a choisi Saint-Fargeau parce qu'en voiture à cheval, c'était le château le plus proche de Paris. D'accord. Elle y est restée jusqu'à sa mort ou... Non, pendant 5 ans. Pendant 5 ans ? Oui, elle y est restée pendant 5 ans. Ouais. Elle n'y est jamais revenue une fois qu'elle a été partie d'ici ? Oh, elle a dû y revenir, mais disons que pendant 5 ans, elle a eu le temps de recréer comme une Bien cour, sûr. Comme à Versailles. Après elle, quel personnage illustre est passé par ici ? Alors après elle, il y a eu le Pelletier de Saint-Fargeau, qui s'est illustré au moment de la Révolution. C'est lui qui a voté contre la mort du roi. Ah bon ? Oui, il a renié complètement ses origines nobles et s'est ligué contre le roi. Et il est mort en fait, c'est l'anecdote en plus, il est mort quelques heures avant Louis XVI. Mon Dieu. C'est-à-dire que comme il avait voté contre le roi, enfin pour la mort du roi, un royaliste l'a suivi. Il l'a tué dans un restaurant où il se trouvait la veille du jour où Louis XVI a été guillotiné. Voilà, exactement. Quel destin incroyable. Et après lui ? Et alors après lui, bon, il y a eu d'autres familles. Et la dernière famille illustre, c'est la famille de Jean d'Ormesson. Oui, bien entendu, ça je voulais vous en parler. Voilà, d'ailleurs, ce château est l'un des personnages de l'un des romans de Jean d'Ormesson. D'ailleurs, voilà, il en a au fait plaisir le Dieu. Exactement. Et ce que les gens souvent ne savent pas, c'est qu'au plaisir de Dieu, c'est le nom de la chapelle du château. Ah, très simplement. Bien. Et alors Jean d'Ormesson a grandi ici ? Alors Jean d'Ormesson a grandi ici, il y a passé toute son enfance. Et ça a toujours été un déchirement de quitter ce château, un vrai traumatisme. Avez-vous le plaisir de le revoir de temps à autre ? Il est revenu, oui. C'est vrai ? Il est revenu au spectacle, il est revenu au château. Il y revient toujours. D'ailleurs, toute sa famille est enterrée dans le cimetière de Saint-Fargeau. Ah oui. Le caveau familial est là. Et c'est un vrai déchirement parce que vous pouvez écouter différentes interviews. Mmh. Il reparle toujours de Saint-Fargeau. Mmh, Saint-Fargeau revient toujours dans son discours. Mmh. Il y est très attaché. Il y est très attaché, oui, oui. Michel Guyot, depuis quand est-il propriétaire du château ? Alors, il l'a racheté en 79 parce que entre le départ des d'Ormesson et l'achat de la famille Guyot, le château a été repris par une société belge qui devait en faire un relais château. Ah bon ? Et tout compte fait, au lieu de faire un relais château, ils l'ont abandonné, D'accord. ils l'ont pillé, ils l'ont vidé. Il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus d'entresol, il n'y avait plus rien. Et il n'y avait plus de meubles du tout. Donc finalement, ça a été un abandon total. Et justement, Michel Guyot, un jour, devant son poste de télé, voit, au plaisir de Dieu, le feuilleton qui a été tourné ici. D'après le roman de Jean d'Ormesson, il est tombé fou de ce château. Il s'est renseigné et il est à vendre. Ah, extraordinaire. Donc il a tout fait pour l'acheter. Il a tout fait pour l'acheter, il a tout fait pour le restaurer, il a tout fait pour le faire revivre. Et ça, c'est quand même un pari drôlement gagné parce que maintenant, aujourd'hui, le château et le spectacle en particulier a une renommée nationale quand même, spectacle de Saint-Fargeau. D'une part, le spectacle, a une renommée nationale et presque internationale. Presque, je sais pas le dire. Et le château est sauvé. Et c'est surtout ça, Le château est complètement sauvé parce que bon, il y a encore des projets de restauration importants, mais l'essentiel est sauvé. L'essentiel est sauvé, ça c'est magnifique. Oui. Alors revenons sur le spectacle en particulier. Combien de personnes gravitent tous les soirs ici autour du spectacle, entre les comédiens, les figurants, les techniciens, les cascadeurs? On va dire qu'au sein de l'association, on est presque 1000. Ouais. On compte 600 acteurs, 60 cavaliers, mais il y a aussi les techniciens, couturières, placeurs, caissiers. Mais ce château, tout le monde en tombe amoureux alors, finalement. C'est une histoire d'amour pour tout le monde. Oui, c'est un peu comme la potion magique, quand on tombe dans la marmite, on est fichu. Ouais. Alors le spectacle de Saint-Fargeau, que raconte-t-il? Quelle histoire retrace-t-il? Alors en fait, tout simplement, le spectacle, c'est l'histoire du château. Depuis, comme je vous le disais, depuis les origines jusqu'à nos jours. Oui. Et comme il a connu des autres illustres, et donc une histoire importante, ça nous permet de tisser tout un spectacle autour de ça. Nous allons la voir ce soir, la Grande Mademoiselle, entre autres. Vous verrez la Grande Mademoiselle, justement, arriver pour son exil de 5 ans. Est-ce que le spectacle permet de continuer d'entretenir ce château, de le maintenir en état? Bah, tout à fait. Oui, c'est ce spectacle-là ou les entrées aussi de visite contribuent? Disons que les deux, si vous voulez. Mais le spectacle est essentiel, c'est sûr. Même, bien sûr, un spectacle comme ça, c'est un investissement. C'est-à-dire, il y a une part des recettes qui part dans le spectacle suivant. Oui, bien sûr. Entre la publicité, les artifices. Alors, le spectacle a lieu, donc c'est un spectacle estival, il a lieu tout un été. Oui. Ça va de quelle date à quelle date en général? En général, de début juillet à fin août. Début juillet, fin août. Oui. C'est une préparation, j'imagine, à l'année quasiment. En septembre, vous allez reprendre la préparation du suivant, non? Non, plus on, ou moins on, y pense, on a une réunion en septembre, on reste tranquille l'hiver quand même. D'accord. Puis on commence à se revoir au mois de mai, à peu près. D'accord, ok, tout bouge. Et on ne fait pas tant de répétitions que ça. Contrairement à c'est ce vrai qu'on pourrait penser. Oui, parce qu'on imagine. Oui, oui. Particulièrement cette année, je vais vous surprendre. Oui. On a eu 2 répétitions. Une de jour, une de nuit. Et d'habitude, on a une générale qui a été remplacée par une première qui était offerte aux associations caritatives de Bourgogne. Parce qu'on s'est dit, quitte à faire la première, la générale en général, c'est un spectacle dans les conditions d'un spectacle sans public. Ouais. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas inviter des gens qui n'ont pas de moyens. C'est formidable. Donc, et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus stimulant pour les acteurs. Oui, parce que vous avez votre public qui est déjà là, donc le trac. Parce que, quand on commence à répéter devant des tribunes vides, on se sent moins stimulé, on se sent moins porté. Bien sûr. Alors, ce spectacle, on va y assister ce soir avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Oui. On ne manquera pas d'aller faire sonder le public à sa sortie. Parlons maintenant du château le reste de l'année. Les visites sont possibles de jour, mais aussi de nuit. Voilà, les visites de jour, donc tous les jours de Pâques à la Toussaint à peu près, en général. Et en juillet-août, tous les jeudis soirs à 22h30, vous avez des visites de nuit, des visites animées à la chandelle. C'est-à-dire que vous allez de pièce en pièce, de salon en salon, et vous assistez à des scénettes historiques avec des comédiens. Thèmes différents, avec des comédiens, de la musique, des danses. Et c'est vraiment une toute autre approche de la visite. Ah, c'est très original, oui. Voilà, et par exemple, pour les enfants, ça plaît énormément. C'est beaucoup rébarbatif pour des enfants, des fois, qui rechignent devant une visite. Oui, sur l'aspect historique, sur l'aspect, voilà. Ouais. Là, c'est très ludique, c'est interactif, on fait participer le public. Donc, il y a du jeu, il y a de l'interaction et ça plaît beaucoup, ça marche bien. Bien sûr. Et alors, pendant automne, hiver, on va dire de octobre à l'année d'après, mai, qu'est-ce qui se passe ici au château? Le château s'endort, j'ai envie de dire. C'est vrai, il sommeille. Oui, il sommeille. Et bien sûr, administrativement, il y a la préparation du spectacle qui suit. Les couturières n'arrêtent jamais, elles travaillent toute l'année. Pour la préparation des costumes de l'année suivante. Est-ce que des événements ont lieu dans l'année? Est-ce que vous organisez des événementiels, des Alors, des choses disons que le château est, on va dire, est loué. Par exemple, pour des mariages. Une société, des choses, des entreprises. Pour des repas, pour des choses comme ça. Oui. Et il accueille aussi tous les ans, au mois d'août, un concert des Estivales de Puisée. Ah, très bien. Il y a toujours un concert qui se déroule au château de Saint-Fargeau. Et là, si je ne me trompe pas, c'est le dimanche 20 août. D'accord. Juste après notre dernier spectacle. D'accord, qui est donc le 19. Qui est le 19 août. Ouais. Donc vous avez jusqu'au 19 août pour assister au spectacle de Saint-Fargeau, édition 2017. Exactement. Et il ne faut pas le manquer. Un mot qui résumerait Saint-Fargeau pour vous? Folie et passion. Très bien, merci beaucoup Patrick. Merci à vous. Nous voilà donc arrivés donc, au spectacle historique de Saint-Fargeau. Et tout de suite, nous allons voir une des figures de cette fête, Jojo. Alors, Jojo est costumière. Jojo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toute la charge de travail que vous procure la responsabilité de tous ces costumes? Alors, j'ai commencé cette année en janvier à la maison. Parce qu'ici, il y a pas de dans mon grenier, j'appelle ça mon grenier parce que Michel Guyot dit toujours que c'est mon grenier, il n'y a pas de chauffage, donc il fait un froid de gueux. Donc je commence à la maison à partir du mois de janvier. Et ce matin, je répare encore des costumes qui avaient été abîmés hier. Et en rentrant à 1h du matin, j'ai lavé, mon mari me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» J'étais en train de laver dans le lavabo le pantalon de Jeanne d'Arc qui était tout abîmé et qu'il fallait que je répare. Donc il fallait que je le nettoie avant de le réparer. Voilà. Alors, vous devez avoir un fond de costume permanent ou comment ça se passe? Vous ajustez à chaque fois? Vous réalisez d'après évidemment des sources historiques tous les costumes? Alors, oui. Alors, si vous voulez, on a tout ce qui est jupe de paysanne, c'est monté sur élastique. Les pantalons, pareil, pour que ça aille à tout le monde. Parce que sinon, là, les Saténais, il y a 680 figurants et tout le monde doit avoir son costume. Alors c'est de pire en pire. Quand j'ai commencé, il y avait 50 personnes. Là, on en est arrivé à 680. Chaque personne ne vient pas tous les week-ends, mais veut quand même avoir son costume. Vous voyez ? Et donc, c'est vous qui faites tous les costumes. Enfin, vous et une équipe, bien sûr. On est une équipe de 6 personnes, si vous voulez. Et moi, je suis responsable depuis 35 ans. Alors également, je voulais savoir, vous réutilisez d'un spectacle sur l'autre des costumes, je suppose, ou non ? Est-ce qu'à chaque fois, vous refaites des spectacles et des costumes différents ? Alors oui, parce que maintenant, le spectacle, on a pris, si vous voulez, 3 spectacles qui existaient. On n'en a fait qu'un seul. Enfin, Michel en a fait qu'un seul. On a demandé aux gens les scènes qu'ils préféraient et on a adapté. On a fait un seul spectacle, si vous voulez. Donc, il y a des costumes qui ne se servent plus du tout. Toute la bataille de Blénaud, ben, il s'est rangé dans des cartons. Napoléon, on l'a fait une année. On ne l'a jamais refait, donc c'est stocké ici. Mais ce qui se passe, c'est que là, en début de spectacle, si vous voulez, au mois de juillet, il y a des équipes qui ont changé. Donc les gens sont partis dans des équipes où ils n'avaient pas des costumes et il a fallu refaire des costumes de guerre. Les enfants qui ont commencé le spectacle comme mes enfants, maintenant, ils ont plus de 40 ans. Donc mes petits-enfants font le spectacle. Il y a plein d'équipes comme ça où les parents, les grands-parents maintenant font le spectacle. Ils grandissent, tout le monde grandit, tout le monde grossit. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un gros problème au cours d'un spectacle et d'être obligé, vous, d'intervenir à l'occasion? Ah bah, tout à fait, oui. Moi, Jeanne d'Arc, hier. Exemple, voilà. Donc, hier, Jeanne d'Arc, elle a claqué tout son pantalon. Donc, je l'ai refait ce matin, si vous voulez. Mais il y en a qui arrivent. La jupe, elle est déchirée. Tout le bas de la robe est déchiré. Donc, il faut intervenir tout de suite. Alors, quand c'est possible, je le fais immédiatement. Quand il y a d'autres travails, je leur dis revenez demain parce que là. Je ne peux pas réparer à ce niveau-là. Et alors, les costumes, vous commencez donc à les faire ou à compléter donc toute la gamme. À partir de quelle date? Alors, je débute en janvier, si vous voulez, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là, on va avoir des gens qui vont venir en août. Peut-être qu'ils n'ont pas été inscrits ou que les chefs d'équipe ont oublié de me le dire. Et la semaine prochaine, ça va être le bazar. Parce qu'il y a ceux qui partent en vacances en juillet, et il y a ceux qui arrivent en août, et qu'ils ont oublié de me dire qu'ils avaient grandi ou qu'ils avaient grossi. Toujours le même problème. Remarquez, vous devez être très efficace, parce que sinon, je pense qu'ils s'y prendraient à l'avance. Voilà. Mais je suis sûre qu'ils savent que, de toute manière, vous aurez la solution. Voilà. Si vous voulez, quand quelqu'un arrive, je râle, mais je fais. Donc, ils le savent. Raphaël Guyot, il y a les visites de nuit maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça, c'est magnifique. Il faut venir voir ça. Le château, il est éclairé par des bougies. Et il y a des groupes, si vous voulez, des guides, qui sont habillés en costume 17e, qui reçoivent les gens. Et qu'ils expliquent autrement l'histoire du château. Et Raphaël, la spécialité de Raphaël, c'est de venir le jeudi matin ou jeudi après-midi en me disant « il me faudrait ça comme costume ». Donc je le fais et elle dit à ma fille, parce que j'ai eu des gros problèmes de santé, « ta mère, elle n'aurait pas dû le faire tout de suite ». Elle dit « si tu lui donnes à maman le jeudi matin, c'est qu'elle sait que tu en as besoin le jeudi soir ». Mais comme ils savent que je vais le faire, même si je râle, ils en profitent. Mais ils ont raison. Et puis bon, manifestement, vous avez votre petit royaume, vos petites mains, vos premières mains peut-être aussi, comme un créateur. Et alors justement, alors votre métier à l'origine, c'était où c'est? Alors c'était vendeuse en pâtisserie, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est ma fille qui est là, qui a 44 ans, qui a fait le spectacle en 82 et qui a perdu un petit sac à main. Donc je suis venue le chercher et la dame qui était là avant moi, il y avait des costumes par terre, si vous voulez, mais pour 30-40 personnes. Donc j'ai dit, est-ce que tu veux un coup de main? Et c'était fini. J'ai mis le doigt, l'engrenage est tout parti. Et c'était fini. Et ça, je pense que ça va durer encore longtemps. Vous pensez aller jusqu'à combien de temps encore vous souhaiteriez? Jusqu'à temps que je puisse encore le faire. Bon, je ne ferai pas encore 35 ans vu mon âge, mais je le ferai tant que je pourrai. Là, normalement, ils ne voulaient pas que je le fasse parce que je me suis fait opérer à cœur ouvert au mois de mai et tout le monde pensait que je ne serais pas là. Mais je suis là. Vous avez eu à cœur d'être là et voilà, en place. Ok, merci Jojo en tout cas pour tous ces renseignements et puis on vous souhaite un très très bon spectacle merci. Et pas trop d'accro dans les vêtements. Voilà, alors, au revoir. Nous sommes avec Richard, chef d'équipe des cascadeurs ici au château de Saint-Fargeau pour tout ce spectacle d'été 2017. Bonjour Richard. Bonjour. Alors toute l'équipe de cascadeurs ici au château de Saint-Fargeau, c'est la même tout l'été ou il y a des équipes qui se renouvellent de soir en soir? On a quelques personnes des fois qui se renouvellent, mais généralement nous les anciens, on est toujours présents année sur année. Quoi. Alors vous-même Richard, depuis combien de temps faites-vous le spectacle de Saint-Fargeau? Je suis au spectacle depuis 79. Ah oui, longues expériences. Voilà. Donc vous avez vu défiler un paquet de... Je fais un peu partie des murs, mais bon, après c'est une passion. Hein. C'était quoi ce choix de faire Saint-Fargeau? C'est une histoire d'amour avec ce château? Je suis né ici, et puis quand Michel a acheté le château, j'étais passionné par le spectacle et tout, et puis j'avais commencé avec le syndicat Initiative. Donc en 79, l'année qu'il a acheté, donc 80, les premiers spectacles. Alors comment on choisit d'être cascadeur et pas figurant, ordinaire? Pourquoi on devient cascadeur? Après, c'est, quand on est jeune, on aime bien un peu la folie, faire des cascades. Et puis bon, après j'enveloppe quelques jeunes, les enfants et tout ça, en grandissant. Vous avez appris avec des professionnels de la cascade? Il y a une personne qui est venue une fois, un prof de judo qui nous a montré un peu les cascades. Et puis après, on s'est mis dans le bain. Judo essentiellement pour les armes, vous avez eu des maîtres d'armes aussi ou... Non, ça on règle nos combats nous-mêmes. Chaque groupe de notre équipe, on est 5 combats, donc 10 personnes, on a notre chorégraphie. Donc c'est vous le maître d'armes ici à Saint-Fargeau alors, c'est on ça on peut dire ça comme ça, on est plutôt une bande de copains qui s'entendent très bien. Quoi. Les tranches d'âge là, de tous ces cascadeurs ici? Alors, attendez, c'est... Ça va de quel âge à quel âge? Ça va, moi je vais avoir 60 ans et si vous voulez, le plus jeune, il a 18 ans. Que des jeunes alors? Oui, beaucoup. Combien vous êtes de cascadeurs sur Saint-Fargeau? Alors, dans notre groupe, au niveau combat, au niveau traîné, on est 15 exactement. Voilà. Alors, vous venez justement de nous mettre l'eau à la bouche, vous dites combat, traîné, etc. À quelle sorte de cascade on peut assister ici à Saint-Fargeau tous les soirs? Tout ce qui est cascade de combat, d'épée, tout ce qui est, je vous dis, le traîné à cheval, le planté, tout ce qui est cascade pour 1900 aussi. On fait des cascades avec les vélos. Si vous deviez résumer en un mot le spectacle de Saint-Fargeau, ce serait quel mot? C'est toute ma vie. Ah, voilà. C'est joli. C'est bien. C'est toute ma vie. On vous en remercie et puis au plaisir de vous voir ce soir. C'est très gentil. Dans tout ça. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cavaliers de Saint-Fargeau ? Eh bien, nous, personnellement, ça fait 19 ans qu'on fait le spectacle. On a rencontré plein de gens ici, sympathiques. On s'est fait des amis. Et sinon, au niveau du spectacle, en fait, on est un petit peu chez nous quand on arrive au château. C'est la détente du week-end. On attend ça avec hâte parce qu'on se détend. On débriefe, on est en vacances. Combien de chevaux ici sont réunis tous les soirs ? Ici, en gros, on est à peu près 60 cavaliers en moyenne. Les mêmes tous les soirs ou plusieurs équipes ? 60 inscrits, mais en moyenne, allez, on va dire, on est une bonne trentaine de cavaliers. Tous les soirs ? Tous les soirs, oui. D'accord. Tous vous venez de. Vous êtes des cavaliers de Lyon ou vous venez de plus loin ? Cavaliers de Lyon, du Loiret, enfin des alentours. Ah oui, du Loiret aussi. De Saint-Fargeau aussi. Oui, du Loiret, il y en a même de la Nièvre, je crois. Vous entraînez avant la saison de spectacle ? On fait quelques répétitions. Il y a quelques répétitions programmées en début de saison, sur le mois de mai-juin. Mmh. Et il y a des gens, ça fait 25-30 ans qu'ils font le spectacle, donc ils viennent, ils font une répétition, parce qu'après les chevaux sont rodés, les chevaux... Alors, je ne veux pas mettre en avant, mais moi personnellement avec mon mari, 19 ans de spectacle, mon cheval, ça fait 19 ans qu'il fait le spectacle. Qui arrive à un moment, il est rodé, fatalement. Et la plupart des chevaux ici qui font le spectacle, le reste de l'année, ce sont des chevaux qui font des concours, des compétitions, qui vivent au pré. Il y a des chevaux qui font des concours, il y a des chevaux qui font des balades. Il y a d'autres chevaux qui font aussi, qui ont une association à côté, qui font du spectacle équestre. Ah d'accord. Nous notamment. Laquelle ? Et nous notamment. Alors, équidance. Équidance. Équidance au hasard. D'accord. Vous êtes de Lyon ? De Lyon, ouais. L'équipe d'équidance, vous êtes un peu ceux qui forment les nouveaux arrivants quand certains arrivent tout. Nouveaux par rapport ou pas au du château, tout. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coache un peu tout le monde, les nouveaux arrivants ? Les anciens coachent les nouveaux. Nous, on a été nouveaux. On a été coachés il y a 20 ans, enfin 19 ans. Et à fur et à mesure, quand il y a des nouveaux qui arrivent, les anciens coachent les nouveaux. Alors vous-même, chez Equidance, c'est le fait d'avoir fait Saint-Fargeau qui vous a permis de vous lancer dans cette activité ou non, c'est l'inverse ? En fait, on avait monté notre assos à peu près en même temps. Ça n'a rien à voir. C'est, voilà. Mais pour revenir à Saint-Fargeau, c'est une amitié, C'est des rencontres, c'est plein de bonnes choses. Alors les cavaliers qui goûtent ici au spectacle reviennent forcément l'année d'après. Ouais, c'est obligé. À partir du moment où on a mis les pieds à Saint-Fargeau, on ne peut plus s'en passer. Au niveau des chevaux, j'ai aperçu quelques Espagnols. Au niveau des races, il y a un peu de tout, beaucoup d'Espagnols. Il y a de l'Espagnol, il y a du trotteur, il y a du sel français, il y a de la palouse, il y a du pie. Et là, vous posez pour les deux soirs. J'ai vu qu'il y avait des boxes. Nos chevaux, en règle générale, les trois quarts des cavaliers arrivent le vendredi soir, mm-hmm. mettent leurs chevaux aux boxes, les laissent dormir là le vendredi soir. Oh, c'est bien. Et par contre, le samedi soir, en règle générale, tout le monde repart chez soi. Un mot pour résumer Saint-Fargeau, pour que vous. Du bonheur. Alors ici, juste après avoir vu donc du côté de la cavalerie, on a trouvé Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Alors Louise, tu montes à cheval, ça se voit ? Tu as fait une cascade ? Moi je monte à cheval, je fais le spectacle, mais là ça ne va plus être possible parce que je me suis fait mal à l'épaule. Donc, d'accord. Le spectacle, ce sera à pied. À pied. Alors justement, quel style de chevaux tu as monté ici à Saint-Fargeau ? Moi, pour faire le spectacle, j'ai une Connemara. D'accord. Je monte des Connemara et voilà. D'accord. Et quels sont les autres chevaux qu'on peut trouver ici ? Il y a des Shetland, il ne faut pas les oublier mais quand oui, même, voilà, la colonie. Les Shetland, la colonie, qui passe avant le spectacle. C'est ça. Tu as commencé par les Shetland déjà ici ? Oui, quand j'étais petite, je faisais ça. Dans la colonie ici ? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est un plaisir, je pense, d'avoir gravi un petit peu plus haut. Oui, ça fait plaisir. Enfin, moi, j'adore après. Ouais. Et alors, voilà. Ton cheval, il est où ? Là, mon poney, il est au pré, du coup. D'accord, et oui, forcément, il se repose. Voilà, c'est ça. Donc, elle doit être contente, je pense. Oui, voilà, on ne l'a pas dit, mais je moins pense que moins. C'est... Alors, ce soir, qu'est-ce que tu vas nous faire, alors ? Du coup, ce soir, moi, je vais faire gitane pendant la fête médiévale et je vais être une paysanne. Voilà. Une paysanne. Parce et que moi, je ne peux pas courir. Et tu en as pour combien de temps avec ton bras ? J'en ai pour à peu près 2 mois. Donc, si on revient d'ici la fin août, on risque de trouver Louise en paysanne avec le bras bandé, ce sera toi. C'est ça. Donc, on risque de te retrouver dans le public. Hein. Voilà. D'accord. Eh bien, ça fait quelques années que tu es ici, Louise ? Moi, je fais le spectacle depuis que je suis toute petite et petite. Je fais le spectacle à cheval depuis l'année dernière. D'accord. Voilà. Alors, c'est une passion, forcément. Oui, oui. T'es tombée dedans en étant petite. C'est ça. Oui, toute la famille est dedans. C'était un petit peu obligé pour obligé moi. Obligé de suivre. Je ne pouvais pas passer à côté. D'accord. Et plus tard, tu veux faire quoi, alors, ici ? Moi déjà je veux pas partir de Saint-Fargeau, enfin je voudrais rester habiter ici. Saint-Fargeau. Habiter Saint-Fargeau, mais je veux pas, je veux être médecin donc. Médecin à Saint-Fargeau, d'accord. Voilà, médecin à Saint-Fargeau. Et dans le spectacle, médecin? Peut-être, peut-être. Peut-être voilà. Rajouter un rôle de médecin. Voilà. Et sinon, il y a un rôle vraiment, tu dis, ah oh, plus tard, grand, je voudrais être Jeanne d'Arc, je m'en doutais. Je ne l'ai pas dit, Jeanne d'Arc, mais je m'en doutais un petit peu, on l'a forcément. Fait la sœur, c'est obligé. Bah forcément, voilà. Oui. Eh bah, écoute, on te souhaite tout le bonheur d'être Jeanne d'Arc. Merci. Et un jour, si tu viens à Orléans, bah, on te prendra comme Jeanne d'Arc aussi, alors, voilà. Avec ton cheval. C'est ça. Eh bah, bien, bon spectacle pour ce soir. Merci, Louise. Merci. Nous sommes avec Patrick. Alors Patrick, vous êtes responsable de quelle partie du spectacle historique de Saint-Fargeau ? Bien, je m'occupe principalement de la sonorisation, au départ bien sûr de la création de la bande son et de sa diffusion, de l'installation de la sono. Alors la thématique cette année, quelle est-elle ? La thématique du spectacle, c'est l'histoire des habitants du château au cours des siècles, de l'an 1000 jusqu'à la libération. Voilà, et c'est le spectacle que l'on donne depuis des années, voilà, que l'on appelle Les Fantômes. Parce qu'on commence par les fantômes de tous ces habitants de cette grande demeure que vous allez voir au premier tableau, bien sûr. Donc on a intitulé ce spectacle Les Fantômes. C'est impressionnant là, hein, quand on est à la technique, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, en plus nous sommes en hauteur. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen technique? Ça doit être énorme. On a 250 kW, donc 250 000 watts d'éclairage lorsque tout est allumé. J'ai 16 000 watts de son, de sono, sur 4 points de son différents. Voilà, le point central, le gros château de son où j'envoie les musiques principales et le texte sur un seul château pour éviter les échos parce que les enceintes sont tellement éloignées qu'il peut y avoir des différences naturelles d'arrivée du son. Tout est calé, bien entendu, pour le centre des tribunes, mais si des gens se retrouvent tout à fait au bout, ils vont peut-être entendre un château de son avant l'autre. Mais bon, c'est uniquement sur les musiques, des tapis, c'est pour donner une ambiance générale que tout marche en même temps. Donc ça, c'est la partie son. Donc diffusé en 4 pistes, 4 points différents. Ensuite, nous avons la partie éclairage que vous voyez devant vous, une console qui envoie bien entendu les différents effets lumière, qui sont des accords, des multiplications de différents projecteurs qui constituent un effet. Ensuite, l'effet suivant, le noir. L'effet suivant, un autre groupe de projecteurs qui peut s'allumer dans un autre point totalement différent parce que vous avez une arrivée d'acteurs. Le tableau mérite un changement de lumière. Donc voilà, il y a des effets qui sont gérés par cette console que vous voyez là. Et là-bas, vous avez un autre ordinateur qui, lui, gère les effets de mapping, c'est-à-dire les effets de projection fixe et vidéo sur le mur du château qui va changer d'époque, qui va changer d'architecture, qui va se construire, qui va brûler, qui va... Enfin, voilà. Donc... Je fais 6 rôles, fais les fantômes, les paysans, les bohémiens, les écorcheurs, les révolutions, les 1900. Alors ça fait combien d'années que vous êtes ici dans le spectacle historique de Saint-Fargeau? Ça fait 4 ans, 5 mois. Moi ça fait ma 4e année. Et c'est comment votre prénom monsieur alors? C'est Jean-Claude. Et Jean-Claude, alors comment vous êtes venu il y a 4 ans dans le spectacle de Saint-Fargeau? Quelle idée vous avez eu un jour d'arriver ici? Voilà, j'ai perdu ma femme, ça fait 6 ans. J'ai fait la connaissance d'une dame très gentille, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. Je vous la présente, elle est là. D'accord. Monique. Monique. Monique, ça va faire 17 ans, c'est sa 17e année qu'elle fait le spectacle. D'accord. Et c'est elle qui m'a fait rentrer dans le spectacle. D'accord. Et la première fois que j'ai vu le spectacle, parce que le spectacle c'est l'histoire de France depuis la Révolution jusqu'à la Libération. Oui. La Libération, moi j'ai connu ça, j'avais 5 ans. Et ça fait quoi de revivre un petit peu cette période ici? Ça doit être émouvant pour vous le soir? Ça marque parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses que quand il y a eu les Américains qui sont arrivés en France en 1944. Et je pourrais vous en raconter pendant une heure si vous voulez. Quoi. D'accord. C'est vraiment impressionnant de revoir ça. Oui. C'est un spectacle qui est vraiment magnifique et ça vaut le coup d'être vu. Alors Monique, 17 ans ici au château de Saint-Fargeau? Oui. Toujours la même envie de vouloir revenir toutes les semaines, le vendredi, le samedi? Ben oui, il faut bien. Hein. On aime être en famille. C'est notre choix. C'est votre choix. De connaître, de se voir, de profiter, rigoler. D'accord. Toujours la même équipe, toujours le même rôle? Là, oui, ça va faire 13 ans que je suis avec les mêmes équipes. D'accord. Et vous avez fait quoi comme rôle alors ici? Eh bien ici, je fais des paysans, oui. À manger à mes ouvriers. Oui. Et après, on fait les bohémiens. D'accord. Et après, je fais les 1900 d'expéditeurs. Je vais avoir 80 ans de ça, c'est un beau mois. Hein, le mois d'août, j'ai Émilie qui est à côté de moi, c'est un beau mois le mois d'août. Hein. J'espère que ça conserve. Alors, juste sans dévoiler l'âge de toutes les personnes, tous les figurants ici, quelle est il y a une personne qui est plus âgée, quel est l'âge maximum ici? Ben, je crois que c'est avec moi. Donc vous êtes la doyenne pour nous ici au château alors? Au détour d'une balade dans le parc du château, nous sommes toujours près de l'équipe 3 avec Wesley. Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel pour venir ici? On passe de super bons moments en fait. Je sais pas comment. C'est en famille, c'est tous les vendredis et samedis, tu raterais jamais ça pour toi. Non. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Alors je vois que vous êtes costumée, donc vous allez participer au spectacle. Qu'est-ce qui fait donc que vous êtes bénévole? Moi, ça fait 36 ans que je le fais avec mes enfants, mes petits-enfants. Et puis une fois qu'on a commencé une fois, on ne peut plus s'arrêter. C'est un petit peu comme un virus, quoi. Ça s'attrape dans toute la famille. Et c'est Jojo qui fait donc tous les costumes. Oui. Par contre, apparemment, vous amenez vos accessoires. Oui. Alors vous avez un bébé dans un sac? Oui, c'est parce que je pousse le landau. D'accord. Vous apparaissez dans quelle partie du spectacle? Oh ben, aux fantômes, aux paysans. La révolution, les Américains qui arrivent. Voilà. Et... Vous participez aussi, vous également? Également, oui, madame. Et depuis autant d'années? Non, 26 ans seulement. Et on va dire de père en fille, de mère en fils, etc. Enfants, etc. Non, c'est moi qui ai débuté. Donc toutes les générations doivent relever le défi, si je comprends bien. Bien, on va vous rendre donc à votre spectacle. Merci encore. Merci. Merci. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes régisseuse, on peut dire, du spectacle de Saint-Fargeau. Plus que ça, même, vous cadrez toutes les équipes, vous... Oui, l'organisation générale des équipes, on est plusieurs à s'en occuper. Pour toutes les équipes, s'occuper de tous les réglages d'un spectacle à un autre, vérifier qu'il ne manque pas d'accessoires ou de personnes et pouvoir combler les trous si besoin. C'est un travail presque à l'année pour préparer un spectacle comme celui-ci? Oui, c'est vrai que c'est un spectacle qui demande beaucoup de préparation, même si voilà, ça fait très longtemps que Saint-Fargeau, le spectacle existe. Mmh. Mais tout au long de l'année, bon, il y a tout un travail de communication, de pré-vente. Et puis une fois que la saison arrive, c'est s'occuper des accessoires, peut-être changer quelques musiques ou faire des réglages de mise en scène. Donc vous êtes celle à qui tout le monde se réfère pour réparer un costume. Tiens, il faut passer le message à la costumière. Tiens, il faut passer le message à un cavalier manque. Oui, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un interlocuteur pour pas que... Donc vous centralisez tout. Pour un peu mieux centraliser. Donc on est, mon frère s'occupe de la technique, ma sœur de la cavalerie. Moi, je m'occupe un peu plus des équipes. Mm-hmm. Donc on se répartit comme ça pour avoir une meilleure organisation du spectacle. Sur une soirée spectacle, comme ça se passe comment pour vous? Très bien, c'est la course. C'est la course. Oui, bah ça dépend en fonction du spectacle de la veille et de ce qui est à régler. Il y a plus ou moins de choses à dire. Et dans ces cas-là, on passe plus de temps ou pas avec les équipes. Typiquement, ce soir, il y a des équipes qui sont un petit peu creuses, donc on a besoin de renforcer en envoyant des personnes. Parfois, il manque des costumes ou des drapeaux. Alors, on va chercher dans une équipe, on fait des échanges. Donc voilà, c'est des réglages qu'on fait à partir du moment où les gens arrivent. Pendant une heure, deux heures. Avec autant de figurants, cavaliers, enfin toutes les gens qui gravitent sur ce spectacle, d'un spectacle à l'autre, Saint-Fargeau aussi, vous avez la préoccupation d'avoir un spectacle de qualité et chaque soir, vous veillez à surveiller ça, à avoir des regards extérieurs. Comment ça se passe justement pour cadrer d'un soir à l'autre et améliorer toujours? Voilà, alors déjà on regarde un maximum, on fait tous le spectacle, mais on a organisé depuis cette année, on a une personne de chaque équipe qui va en régie chaque soir de spectacle et qui a vraiment une feuille pour contrôler à chaque scène les mouvements, les accessoires, la lumière, le son. Et donc on a un rapport le lendemain matin qu'on résume, qu'on agrémente de nos commentaires et c'est comme ça qu'on arrive à régler toutes les scènes. C'est des petites précisions, mais ça nous aide vraiment à pousser encore plus la qualité du spectacle. Et assurer une grande qualité. Ils sont bons élèves alors, tous vos figurants, oui, cavaliers et autres? Ils sont parfaits, ils sont à l'écoute et ils méritent. Ils courent et ils cavalent pendant plus de deux heures, ils viennent avant, ils viennent souvent de très loin. Donc je pense que bon, sans eux, évidemment, on n'aurait pas cette belle aventure. Et ils mettent toujours plus de dynamisme, de joie et d'âme dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que bah, le spectacle est aussi vivant et vibrant d'émotions. Bah, c'est très bien. Et depuis tout à l'heure, je demande à toutes les personnes que l'on rencontre un mot qui résumerait pour elles ce château de Saint-Fargeau et le spectacle en particulier. Pour vous, ce serait quoi ce mot-là pour qui résumerait ici l'ambiance du spectacle de Saint-Fargeau ? Merveilleux. Eh oui, ici comme ailleurs, des princes et des vilains ont aimé et souffert. Ici comme partout, la folie des hommes a laissé son sillage de feu et de sang. Ici, une princesse exilée et meurtrie a réappris à vivre. Ici, mille saisons ont courbé le dos des moissonneurs de rêves. Il était une fois, il y a bien longtemps, plus de 500 habitants d'une petite région perdue au cœur de la France, qui, pour faire revivre un grand château abandonné, avait décidé de raconter son histoire. Vous avez déjà assisté à ce type de spectacle ? C'est la troisième fois que je viens. Alors qu'est-ce qui fait que vous revenez régulièrement ? C'est beau, le spectacle est magnifique et puis le parc est beau, le château. Ayant vu d'autres spectacles, y a-t-il un moment particulier que vous préférez ? Les chevaux surtout, la cavalerie des chevaux, un spectacle superbe, vraiment avec une émotion, on voit vraiment, on se prend dans le jeu, on voit vraiment la... On participe indirectement à vraiment une très belle émotion, vraiment. C'est magnifique. À dire aux gens. Sûr, hein. Ouais, c'est vrai que. Non, mais tout est bien autrement. Le spectacle par lui-même est très. C'est pour ça qu'on vient et qu'il y a toujours plein de monde en plus. Hein. Voilà, et qu'on revient. J'ai bien aimé le spectacle de Saint-Fargeau, il était magnifique. Et j'ai adoré la scène où Jacques Coeur descend de la fenêtre. J'aimais bien le spectacle de Saint-Fargeau et le feu d'artifice. Il y avait des belles couleurs. La scène que je préférais est celle où un homme rentrant de la Seconde Guerre mondiale revoit sa femme et son enfant qu'il n'a pas vu depuis 6 ans. Elle était à la fois émouvante et jolie. Bien aimé le spectacle de Saint-Fargeau, il était très beau, il y avait plein de couleurs. J'ai bien aimé tous les bénévoles qu'il y avait et j'ai bien aimé toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Vous avez jusqu'au 19 août pour assister au spectacle de Saint-Fargeau, édition 2017. Exactement. Et il ne faut pas le manquer.